Faut que je trouve un porc égorgé, faut que je pète le score, je veux du gore, des corps à démembrer. Je veux t'entendre crier quand tu vois mon sourire, de ta chair je vais me nourrir, donc commence à prier. Je vais passer ton four au mixeur pour en faire un milkshake. Je vais découper ton cœur, le faire poiler comme un steak. Tu rêves de moi le soir car je suis pire que Freddy. Je suis caché dans le placard ou planqué sous ton lit. Je suis ton pire cauchemar, la plus belle de tes angoisses. Pleure et peur car ce soir c'est la mort que tu embrasses. Frisson garanti, je veux te voir anéanti. Tu sais que je t'ai menti quand j'ai dit que je te laissais la vie. Sauf qui peut manger, te pervertis. Cours autant que tu veux, tu sais comment ça finit. Je te laisse crever dans la cave, je t'en mure vivant bâtard. Ou découpe ton cadavre pour nourrir le clébard. Pulsion meurtrière de fumier qui viennent t'humilier. Un vrai rap d'horreur. Chanson suicidaire, tu vas mourir à la fin du couplet. Un faux film d'horreur. Pas de caméra, pas de scénar, pas de projecteur. Un faux film d'horreur. Parfois qui finit bien, rien que de la terreur. Quand la nuit tombe, il coupe les couilles et puis les mange. Dehors, oh mon dieu, mais qu'il est moche. Il sent la piche et la pisse fait que pister sa cible. T'as grippé par les chevilles pendant que tu baisses ta copine. Cannibal autiste, c'est un spectacle horrible. Ni griffe, ni machette, juste un sécateur rouillé. Il va t'ôter la vie à coups de tournevis. Toujours masqué parce qu'il s'en prend aussi à ses amis. Arrache les canines, les fait bouillir dans une marmite. Prépare sa potion comme un druide, prend des photos, il est cruel. Protège ton dos les nuits de pleine lune. Quand les 12 coups de minuit sonnent, il se transforme. Lui apporte les champs la ville, cherchant ses proies tout en s'agitant la bite. Méchanceté noire, fallait pas chauffer la bête qui l'habite. Il te pique au cœur et tactique, appelle le qui l'habite. Un vrai rap d'horreur. Pulsion meurtrière de fumier qui viennent t'humilier. Un vrai rap d'horreur. Chanson suicidaire, tu vas mourir à la fin du couplet. Un faux film d'horreur. Pas de caméra, pas de scénar, pas de projecteur. Un faux film d'horreur. Parfois qui finit bien, rien que de la terreur. Meurtre de sang-froid, sans foi ni loi. Sans voix, je te laisse ouvrir la porte, attraper le grimoire. Je te noie dans la baignoire, le reflet dans le miroir. Le sang nous donne la rage, flatteur et mirage. Cache-cache avec nos proies, on s'amuse, on fait nappe. On t'attache avec tes boyaux, on t'immole à l'absinthe. Blessure, torture, je te broie le fémur. Espice dans tes entrailles. Hannibal le cannibal ou Jacques l'éventreur. On se comporte comme des animaux, pas comme des enfants de cœur. Terreur, folie, le tueur. Chronique, bienvenue dans notre film d'horreur. On vous donne la colique. Un vrai rap d'horreur. Pulsion meurtrière de fumier qui viennent t'humilier. Un vrai rap d'horreur. Chanson suicidaire, tu vas mourir à la fin du couplet. Un faux film d'horreur. Pas de caméra, pas de scénar, pas de projecteur. Un faux film d'horreur. Parfois qui finit bien, rien que de la terreur. Hehehehe.